Indépendance, tcha tcha, tozumiye. Oti Pwanza, tcha tcha, tobakini. O table ronde, tcha tcha, baganyeo. Oni Pwanza, tcha tcha, tozumiye. Indépendance, tcha tcha, tozumiye. Oti Pwanza, tcha tcha, tobakini. O table ronde, tcha tcha, baganyeo. Oni Pwanza. Bote bandeko batali ya Canal Congo Television, batali ya Canal Kin Television, balinga masolo ya polele polele Kasimi Kolomeye, tozali kati na masona biso ya Je connais le Congo. Batata bamama bandeko na pesi bino mbote pena esengo omotema na tumbeli bino penza bolandi bolamo ya masolo ya mokolo mwalelo. Je connais le Congo yango wana Ngonga ebelemi ebino bosepelaka pona koyoka histoire ya République démocratique du Congo mboka na biso lokola momesano mobianga metope invité na biso ezali wana honorable Thomas Luaka Losenjola otokopesa mbote nayo mbote mingi ndeko Flori honorable Thomas Luaka Losenjola boyebie malamu ezali wana secrétaire général ya mouvement de libération du Congo MLC ezali mobianga mi oyo na ye longo toko lobela tozali ko beta lisolo ya Congo démocratique mboka na biso yambo ya kozwa lipanda sima ya kozwa lipanda kino bipa etoko kende kosuka yewana na elongo tukokabola makanisi kati na masolo ya mokolo mwa lelo kati bande ko batali yambo penza te tokoto kati na masolo na biso na yebi te bozali penza ebele oyo bozali kosepelana masolo ya Je connais le Congo balobaka kufa soni okomona pasi na fungole monoko pona kosenga na bino baebozele kosepela na emission oyo bandeko basi bandeko mibali ezala awa na kisasa na Congo Brazzaville na mikili ya poto bipai biso bozuri baku ya kulanda biso maboko na biso ezali polele pona kosenga lisungi kouta epai na bino pote masolo na biso ya Je connais le Congo esuka na nzela te kasi ekende te ekoma na suka tokokoza na bosenga ya kamera ya malonga penza tozale penza na bosenga ya ordinateur ya malonga soko pe makuta ezali otindeli biso yango na ndela ya numero zale komona na se ya etando eke ya kosunga biso penza pote masolo mayeto zale kosala ezali na litomba monene ekopesa ndela na bana ya mayele ya Congo démocratique bango penza bakoma histoire yamboka na biso République démocratique du Congo na boy na kufa na son yango na yebisi bino polele maboko na biso ezali polele pona kozela lisungi na bino ezala ya misolo tope ya bisaleli kamera ya kitoko ordinateur ya kitoko soki kokomela biso ekopesa biso makokite kalite ya masolo na biso ezala penza kitoko pa pona kosepelisa bino ba ibanso bozali kozali baku ya kolanda biso mikolonyoso ya poso ya lomingo pena bakatikati ya ba semaine na tondi bino botondi honorable Thomas Luaka masona biso tokobanda yango poste uti koleka tusuka kiwana na makambo matali bandeko bakendaki na ngambo ya Congo Brazzaville bakia kokabwana basusu balandi Pierre Mulele na ngambo ya Kwilu basusu bake na parti est ekolo ekabwane ndeko na papa na biso Kasavubu general Mobutu na Adula batikalaki na awa na Leopoldville mboka ekabalaki na biteni misato wane zale sika oyo maso na biso ya la fois passé esukaki bongo lokola lelo ezali bongo episode mosusu ya sika lelo tukomeka kotala ba mouvement wana ya rebellion oyo ezalaki na est oyo ezalaki na Kwilu organisation na yango ezalaki penza ndenge nini toyokaki mbaleleki ndeko Thomas Luaka ayebisaki biso Moïse Tshombe, tango sécession katangaise et soukaki akima kimboka akendaki na Espagne. Kasi lelo tokomono ayaki kozonga lesusu kati na mboka. Azongaki na mboka ndenge nini? Babengaki ye tope azongaki ye moko. Kozonga na ye kati na mboka lingi koloba makoki ya kosangisa tope réunification tope pacification et salemaki ezalaki ndenge nini? Peto koya kosuka na likambetali coup d'état oyo général Mobutu alekaki kosala ezalaki wana le 24 novembre 1965. Voilà na bokuse oyo tobongisi elongo na bino Kasibiano bokoza yango epai ya honorable Thomas Lowaka Losenjola. Honorable nazonge epai na yo ma bandeko na biso ya Est bakambemi na ndeko na biso Christophe Benye ya CNL Est na ngambo ya Kwilu Pierre Mulele ako kamba na Leopoldville Joseph Kasavubu Joseph Mobutu na Adula bako kamba mboka ekabale na biteni misato to banda na ba organisation ya ba mouvement ya rebellion organisation na bango Israel ndenge nini. Merci mingi ndeko mbote lisusu na bandeko bako landa biso organisation ezalaki ndenge nini na Kwilu mouvement ya Mulele. Mulele a s'organiser na chaque village ba territoire oyo ya libéré. Dans chaque village aza kotia équipe moko, équipe wana ezalaki na chef ya équipe ezalaki militaire oyo landa formation militaire et puis na ba cadre mususu. Donc na chaque village atiaki équipe moko moko likole ya village wana a créé ki ba sous-direction oyo eza ko regrouper plusieurs équipes et puis likole ya ba sous-direction ezalaki na ba direction. Et puis enfin, il y a un central, niveau central, donc il y a un Pierre Mulele, il y a un peu de temps. Et puis, le mouvement, c'était un mouvement rural. Rural, dans un premier temps, Mulele a attaqué le centre-ville, le centre urbain. Il y a un village qui a libéré le village. Il y a un mouvement rural, il y a un Mboka. Mais quand même, une fois, Ameka qui a tenté de ko attaquer ville ya Gungu et puis na affrontement nande oyo kaka colonel Ebeya akufaki na bitumbana ya Mulele na tangu Mulele alingaki atakaki Gungu. Donc mouvement essentiellement rural et puis mouvement moko ezala ki très silencieux. Mulele pendant rébellion na ye atikali ko sala communiquete atikali ko sala point de presse te pona nini a créé ki mo mystère moko boye autour ya personnalité na ye. Donc alobakate d'ailleurs na tangu ya rébellion ya Kwilu il était interdit na ba militant ba combattant kotanga kombo ya Mulele bana ko bengeka camarade ezala ki interdit kotanga kombo na ete parce que Mulele azana kisi Mulele azala ka babenga on don ubiquité ya kozala isika nyonso à la fois et histoire moko kuti ba raconta kana bite soki ya solo soki ya lokuta ba lobi ba combattant mususu soko bozoke na nzela ba oke na nzela ba combattant ya Mulele soki bomoni nyoka omona ba moni nyoka lekina nzela ba longoli chapeau ba pesi nyoka mbote ba bi bonjour camarade ba bi ya Mulele ndaza ko surveiller biso. Donc voilà mystique moko mystère moko ba créer ki autour ya Mulele. Donc abane kolobate abane ko sala pe ba communiquer bande ko mususu ba bandaye pe kolobake Pierre Mulele bande ko kufa te na masasi et c'est ça kamba solo. Oui ça c'est vrai mitu wana pe tambola ki mingi ke Pierre Mulele kufa kate mais li solonga na yebi en réalité mitango e botama ki ndenge nini. Pierre Mulele mukolo mususu na village moko azumunduki batie masasi bapesi mwana moko boye Pierre Mulele telemi devant ba combattants nyos balobi babeta e masasi babetie masasi je crois c'était 5 cartouches pa babeti masasi Pierre Mulele azokite akufite atelemi kaka. Donc mit e bandi wana Mulele akufa kana masasi eza mit ndenge ne pamba te bakamata ki masasi babeti ba en réalité ba ko découvrir ba chercher ba découvrir en réalité ezala ki je moko asala ki ezala ki ba cartouche a blanc masasi e bomakate auta kana mochine nde atia ki nakati ya munduki. Donc ezala ki masasi ya solote voilà comment mit e botama ki ya Pierre Mulele ke akufa kate et puis azala ki na baninga na yemo ko na Brazzaville mukulubundu mukwidi kuna pe ba créer qui Senel tamonezano na Braza bakiaki ba centre de formation na Brazzaville kuna pona ko former batu batinda kana maki en particulier ezalaki na village moko babengi Mukutimpoko Bwenga kuna na Congo Braza Bwena Mpuya na Ngamboma ezalaka centre de formation moko yebana ki mingi parce que wana babande ko recruter batu na Kinshasa ba jeune na Kinshasa wa bake formation na Braza po bakota na maki ya Pierre Mulele d'ailleurs kuta partie ya Bwanga wana attaque moko isalamaki du 25 au 26 juin juillet 1964 ba attaqué Bolobo bazui localité à Bolobo Mushi bazui ango le 28 et puis mais occupation wana côté ama indombe ya ba rebelle parce que ba ndeko linga ba fungula couloir moko entre Brazzaville na Kwilu pona ko kende ko alimenter Pierre Molele mais heureusement pona Kinshasa a réagi ça qui rapidement ANC et qui est na mois août 64 ko libérer territoire na Bolobo na Mushi. Et puis, tout le monde qui est organisation pour la Koela Ngonga. Je vous permets de dire que je suis en train de faire un mouvement de Pierre Molele. Je suis en train de faire un mouvement de Koufati. C'est la même militant à Zalaki Nabango. Si vous êtes en train de faire un mouvement de Molele, à Koufati. Zalaki Lokoutate. Oui, Zalaki Lokoutate, mais en fait, l'histoire de Molele, c'est que vous avez dit que Zalaki na Kwilute et Zalaki na Est. Na est pona ni boto komino na est kuna na kangbwenye bwenye ndenge tolobaki kisangana ezalaki libéré le 5 août et puis général Olenga a sali deux tentatives d'attaque pona kozwa Bukavu. Donc le 18 août 64 général Olenga na basoda na ba attaquer Bukavu et puis le 29 lususu septembre ba ko reprendre ba attaquer Bukavu mais ba ishuaki parce que mutabande ko défendre Bukavu ezalaki colonel Mulamba oy après ko koma général Mulamba a défendu ki Bukavu na ba mindele bazalaki na basungaki na ANC na ba mindele et surtout na ba na kolo bangomba ba combattant ya Mwami Kabare ya Bashi azaki na ba batu na yepe ba kota ki na bitumbana pona ko défendre Bukavu et ko yate na maboko ba rebelle mais siko pona kozonga na motuna nayo ndenge nini babande ko kufate particularité ya rébellion ya est ba benga auto rébellion Sumyalo Sumyalo na Kabila ba na ko sa ndenge nini chaque unité il y a armée peloton section peloton compagnie bataillon bazala ki nganga na bango et c'était officiel chaque unité zaki nganga kisi wana siko asala akisi pona ba soda obana ko benga ba soda en réalité batu na bango bazo recruter ba jeune ba ko pesa bango kisi kisi yango zaki na degré misato kisi ya liboso baye batem hein ba sopeli o mai nganga sokoli bino na mai etu etu. Si vous avez un peu de mal, vous êtes soi-disant invulnérable. Quand vous avez un peu de mal, vous avez un peu de mal, vous avez un peu de mal. Mai, moulele, mai. Donc, l'issa, c'est un peu de mal, et bon, on est comme mai, on est comme fate. Voilà ce que est le mai, et ce que est outil. Le mouvement mai, et ce que est outil, et ce que est outil, et ce que est outil, na 64, et la rébellion en 64. Donc, on a un niveau, il y a un peu kosokola ba combatta mai ya mibale niveau mibale kokata bango banzoloko niveau ya misa tu yakisi kolata ba bikila kila bolati singana luketo cable na na lobanini biloko na kingo donc voilà niveau yakisi et puis particularité na lobaki chaque unité ezalaki na nganga na bango commandant chef ya rébellion est to mona ki est général Nicolas Olenga ye pas ezalaki na nganga kisi na ye personnel. Maman moko bo akende ko zoyer na Sankuru, maman ngwa yebana na estetile lo banda ko benge maman Onema. Comme on ezaka Henriette Onema, banda ko loba kutuke azaka na libele moko bakisi maman na donc makasi moyete. Donc voilà un peu organisation. Oyo ezalaki kuna et puis après gwenye tanga comme président de la République a créé République naye a créé 6 provinces. Donc Congo ezongi na 6 provinces ya auto zoki na indépendance pona nini tozongi parce que ngongeza te mona expliquer ki angote constitution moko to adopta ki na 1964 babenga constitution de Lwabour et créa ki o babenga ki ba province 7 donc ba province koma ki ebele ebele ebele bwenye tangwaye makambo ne pesa ikutu mobulu batu bakome ko bunda par exemple batu Manyema bande ko senga Fizi territoire a Fizi ezala na Manyema batu ya Bukavu à l'époque wana ezala ki sud Kivu te ba obenga ngo na constitution de Lwabour babenga au Kivu central bango balobino ki Fizi eza territoire na biso donc et bimisa mbilinga mbilinga ce qui entre autres favorisa ki pe ba rebellion wana donc bwenye azongi si six provinces wana ya 1960 et puis a nommé pena ba responsable côté azalaki donc wana omoni siko mboka eza ya kokabwana biteni misatu awa na Kinshasa siko na Kinshasa awa Joseph Désiré Mobutu commandant en chef ya armée azali dépassé basoda na ye bazokima hein basoda NC bakukima ba mai balobi bakufa kate donc omoni rébellion est ba occupa qui un quart ya territoire donc 25% ya territoire national ko banda nord Katanga ti oyé ko matati na province orientale na Bamanyema na Sankuru bazo ko na territoire ya munene donc na est kuna ANC zoko kate na kwilu awa bazo ko kapete parce que pe awa ba Sudan na biso bazo ki mablobi mulele na batune azana bakisi bazo ko fate donc Mobutu, Adula, Kasavubu, Adula Premier ministre, Kasavubu président de la République, baza totalement débordé. Mobutu a eu mon Kasavubu. Avis, monsieur le président, Bitumbo est compliqué. Est compliqué, est difficile tout long. Mais nga na na idée moko. Ah, idée ni nous anong abino. Il faut tout le cas Mobutu moko akoué ko sungabiso. Mobutu azana ba relation, azana ba ayebani na batu donc ba relation, azana ba moyen, azana pe na autorité. Est-ce que le président Kasavubu a une relation avec l'autorité de la quitter? Non, mais dans la constitution, il y a une loi fondamentale. Le président a un pouvoir de gérer le quotidien. Donc, il y a un retrait. Il y a un pouvoir de le premier ministre. Donc, Mobutu, a émissé Kasavubu, il faut tout le cas. Si vous avez Kasavubu, vous avez dit, mais il y a un monsieur le président, il y a un Congolais, il y a un Yébi, il y a un Monika Kachombe. Kasavubu me mobutu problem nino chombe uto uchubenga na walobi lobi secessioniste ake Espagne akimi na Espagne siko yoli ngozo msabi non monsieur le président la politique est dynamique il n'y a pas d'ennemi éternel chombe aza congolais toki ndiko sola na ye aya ti mobutu kasavubu ok problem ezate mobutu atini camarade nemo ka mundele boy Davister alobi kende na Espagne solo la na chombe Davister pa komi na Espagne asololi na chombe Asoina chombe alobi voilà makambo zo changer yakana Kinshasa na Léopoldville. Et puis le 26 juin 1964 na 5h du matin avion kitiawa chombe akitina njili bake bayambie ake bake ko présenter na bureau premier ministre Adula na Mobutu basoina wana isili après-midi ba memie pa président de la République Kasavubu pa yambi chombe basolina chombe ba expliquer ndenge makambu et zalaki et puis Kasavubu va bisi si Adula voilà il faut démissionner otika place à premier ministre Adula pa discuter a démissionner Kasavubu a nommé chombe formateur ya gouvernement pour chombe asala gouvernement nay chombe asali gouvernement de salut public wana atie banani ba nationaliste bazaki mingi te hein parce que au bazo sa la rébellion wana mais ayekotia donc parmi les nationalistes azuka ka papa moko kombo na ye André Guillaume Lubaya tomona ki ete na bosana ekotanga ye azali l'un des fondateurs ya CNL na bisaka ba député ba kachaki ba kosa la CNL na Brazzaville Lubaya aza parmi bato ba signa ki création ya CNL wana lelo Lubaya zanani Lubaya mwana nende ayebani ndio babengi Claudel Lubaya azalaki gouverneur ya province ya Kasai Occidental pe le lozali député national donc Claudel Lubaya na compte ya UNC et voilà Claudel Lubaya papa naye André Guillaume Lubaya nde akotaki na gouvernement ya Chombe na compte ya parti naye UDA et puis bon pona aussi sa page joana Lubaya akoume la tena gouvernement chombe na akoya ko longwa et puis après akoya ko zala parmi wa membres fondateurs ya Palu na Antoine Gizenga to e komona li sous ministre msusu na gouvernement na Albert Kalonji wazaki ki mulopwe na secession wana batie ministre et puis Godefroy Munongo za ki ministre intérieur na secession katangezi chombe bengi mutuna ye parce que j'avais purier a bengi ye aye côté na gouvernement alors que batinyo suba ande considéré à l'époque assassin Lumumba ndé Godefroy Munongo donc pesi lisusu kanda na balumumbiste tant bamoni gouvernement na ebimi mais sikoyo eloko sepelisanga mingi na mboko yo ba congolais ba peuple moko fantastique donc batinyo suba ko yoko kanisa ke chombe sécessionniste assassin ya Lumumba ne banda koloba azongi Kinshasa okoye ko s'imaginer ke ba obete mabanga non chombe aye wana ebiso tanga binsi gouvernement na ye succès chombe aiko zwa elekeli bato e utaki wapi succès wana non on considère chombe aiba ekoloba bino bande ko bolimisanga mutu abunga kanzela na bonga kinzela toke ko sala secession lilo na zongi na nzela Congo na biso eza bomoko e foto sala Congo biso nyoso eza devoir ya Congolais nyoso aina discours asika na biso chombe asali meeting awana Kinshasa na stade chombe azui plus ou moins 40 000 personnes batondi na stade kobetela chombe maboko a promettre balobi alobi ba congolais na ebisi bino lokola bosalinga confiance boye na zoe la bino Congo sika dans 3 mois donc un nouveau Congo dans 3 mois bino moko bokomona ba changement chombe a zui succès et puis akei kosala tournée ake na Bukavu tangwa na Bukavu na ebisa kio Bukavu ko yakite ake na Bunya ake na Kikwiti et puis na Stanleyville tangwa komi na Kisangani Kisangani quand même ezambo ka ya Lumumba Patrice Lumumba fief ya ba Lumumbi ba nationaliste tangwa na Kisangani na ekoite ezala ki na mois de juillet to mona ki Kisangani ko ya ko ya na août le 5 août 64 donc wana to sana juillet Kisangani na ekoite chumbe akomi na Kisangani sikoyo ba conseil ba ko se mokondi climat est bien terre climat est bien terre abi watu benza bazama lili na biso bazo sepelate et puis chombe a bengi si meeting na Kisangani après-midi na stade ba bi se mokondi to moneti meeting wana ko leka bien terre chombe avant de réfléchir siko non sani abi bon idée moko yeli ayi boko no somba ba gerbe de fleurs abi boko ne ko somba ba fleur na sengi no singa ba fleur bake kusomba jerba fleur wana bayenango chomba amemi batune bakati ba matina kati ya mituka po bake na yango wapi bake yi wapi amemi batunae na monima ya Lumumba na Kisangani chombe ayeko deposer ba fleur na monima ya Lumumba population yonso ya Kisangani bayo kisango ke chombe nzoka za rappel Lumumbiste akiko deposer ba fleur kuna ba bete la chombe maboko après midi chombe asali plein na stade ya Kisangani do batunyonso bayo ndongo eleki très très bien Chombe azui azongi na Kishasa malgré succès wana to ya komona les 5 ba gwenye ba rebelle ba koya kozwa Kisangani et puis attend voici ici opération de charme wana tourner idée muso so elie abina cadre ka réconciliation a eko décidé le 15 juillet 1964 a eko libérer Gizenga to le baki Gizenga depuis février 62 bakangaki na ila bula bemba na na Bakongo donc le 15 juillet 1964 Chombe azui a libéré Gizenga wana pe imati mo popularité nay Gizenga zongi awa tangwa komi awa dès le mois d'août Gizenga sikoyo na si a réfléchi ça ki mingi na prison pe ça na ye atiki yango parce que tangu ya koti na prison muto akoma ki president ya pesa pesa koma ki mibale ya pesa kamitatu pesa Gizenga muto abane ko gérer yango ezala ki mungulu diaka tangu yesu kwa bimi na prison abino nga ifo na créer loko mususu nde atiki pesa ayeko créer palu parti lumumbiste unifié wana na nini ni août mois d'août 1964 nde a créer palu entre autres na André Lubaya, oyo na bisa kwa zaki ministre ya kelke ya mwa moko na gouvernement Chombe pia bimi baiko sala palo. Mais ba opposition ba nationaliste ka contre Chombe ezo continue malgré que a sali geste a libérer Gizenga ba nationaliste ba o continue pona nini ba ko lo ba non Chombe yo ozaka ka sasa ya Lumumba et puis le kwa mi bale ba zo reprocher Chombe ba lobi Chombe ya ko changer te. Chombe katango a komina Kinshasa. A ko changer te pona nini? Chombe tango a komina Kinshasa. Chombe atambula ka imote. Tala mulongwa mindele. Donc chombe kaka komi na Kinshasa wa bamoni deja ba mindele o bazama naye. Ba mindele bele o bazaki deja na katanga wana. Ba rejoindre pe na Kinshasa ba conseiller naye. Entre autres, toza deja parmi ba militaire Mike Wara. Mike Wara zaka chef a mercenaire na katanga. Bamoni Mike Wara azongi awa na Kinshasa na Purin pazalaki ba sud-africain yepe chef ya aviation ya Katanga bazanga mo aviation na bango mercenaire wana pe ba moni awa professeur René Clémence ye nani ye muto azalaka rédacteur ya constitution ya république ya Katanga tamba sali constitution belge moko boye wa koma constitution wana René Clémence pe ba moni a komi na Kinshasa et puis ba ye komona le susu Frontier lié à Zalaki et université à Lubumbashi. Tango a sécession et comme qui université d'État du Katanga, recteur et université, on a dit Zaka Frontier Luana. 64 Tango Chumba et Wana, Frontier et Pébaye, Awana Kinshasa. Et puis Moutoumoussous, tu es comme on a Colonel Vandewel. Colonel Vandewel, autre Baka Zaki, commandant à Soukayanel. connaît la souka ya aner et puis il peut baye comme on a comme conseiller militaire ya Tchombe et puis na Jean Brassine. Donc voilà un peu ba mindele ba zongi mingi asuko ba africain ba lobi non Tchombe azaka en esprit wana kaka ko travailler na mindele tolingi ete. Malgré ça Tchombe va faire quand même des efforts na tentative ya réconciliation. Voilà. Avant tout comment on a esika wana tango sera ki meeting na na stade a prometta ki na ba congolais un Congo nouveau dans 3 mois. Est-ce que ba congolais ya tango wana ba vivre ki Congo nouveau yango to? Non, c'est quoi yango lobi? Congo nouveau eloko ali bosela ki nini? Mboka ezo nga na bomoko bitumbe sila. Yango c'est quoi bandi ba action? Donc a bandi ko sala ba tourner le 22 juillet 1964 à Kina Bujumbura. Pour akutana na ba rebelle hein? Ya est kuna ba solola ba nani ba rebelle na ba yete. Et puis chef Muneno azaki na Bujumbura na mwami moko boye a faire comprendre Tchombe na ba terme diplomatique a faire comprendre que Tchombe ke na sepelaka na hote nga na zo soutenir ba nationaliste. Tchombe azongi ake na Brazza kuna na Brazza awa na ngambo ba mikonzi ya Brazza ba boye ko yamba etango na tomoni mutako mikonzi nani Alphonse Masamba Deba oya azako protéger ba tu ya CNL. Alphonse Masamba Deba a boyi kokutana et puis ba tu ya CNL ba boyi ko discuter na Tchombe. Na mois ya août Tchombe a eu décision parce que PC Kanda makambwana ne bazo tourner en bourrique a rompre ba relation diplomatique na pays nini na Burundi ici à Outaki na Burundi avec au rompre isusu na Mali et puis na Congo Brazza. Décision a mi balé décision le boso to rompre ba relation diplomatique. Décision a mi balé ko bengana ba congolais nyonso ya Brazza o bazana Congo na ba Burundais na ba Maliens a pesi bango 24 donc a Tchombe bengani ba nyonso et puis conférence moko ezalaki ya chef d'état et de gouvernement de l'OIA na ezalaki na Caire du 17 juillet au 21 juillet 1964. Congo ekete pona nini? Parce que ba oyo basali invitation ngo Nasser président d'Égypte a précisé bien délégation à Congo bokoyi ko ya me kasavu mutefoya. Ce qui Tchombe a ye boya na bino kutute. Na nini komo na Tchombe awa na Égypte te. Comme kasavu bu période wa baso travailler très bien, azali vraiment très très solidaire na Tchombe. Abino, c'est quand même les représentants chefs du gouvernement Nabiso, ngana ko kena place na ete yende fa kende. Lokola boboyi bon to ko yate. Kasavu ba kende kite donc siko yango yo Congo e participa kate na conférence ya OIA OE décida ki principe ya intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Et la kisi nini na 1964 na kende ba décida ki ba frontière oyo ba mboka to zui na ba ndeke ba mindele ba tikeli biso yango. To bouger en gros le sous-souté et tout ça dans Dengwana. Principe on a décision les gens en Égypte Congo et participer à quitter parce que ba Nasser ba boya ki comme on est longue à Tchombe kuna. Malgré ça, sommet moko le sous-souté ko sala ma sommet extraordinaire des ministres des Affaires étrangères na OIA na Nairobi. Na Nairobi du 5 au 10 septembre. Wana Tchombe akendeki résolution nini bimi kuna. Résolution bimi yaona no baka histoire se répétaka na Nairobi et pas Jomo Kenyatta tawana Kenyatta za président bazu décision la bilo kola mobule za na Congo hein il faut totine da force d'interposition et kinde kuna ya une force d'interposition africaine pour nameka ko résoudre makambwana et puis loko mususu eko salama toujours na cadre ka ya koluka kime kota na kati ya mboka conférence des pays non alignés na mois d'octobre na Caire 1964 na Caire. Sikoyo ndenge na bisa kyo Nasser aliny ko mona Tchombete. Alobaki na ni ko mona Tchombe akoma wate. Bayo kakaka bo na mois d'octobre ana le 6 octobre 1964 Nasser avandi bayo ko bisa e non avia ba congolais komi. Oh, avia ba congolais komi. OK, banani waza kuna. O Tchombe. Tchombe akomi na Egypte awa. Eh. Tchombe tema kolona yao. Eh. Babi monsieur le président sa ndenge. Abi boka ngai. Comment premier ministre yambo aiba congolais baninga olaxa bango bazaba tetu ngana olaxa bango kingana l'équipe bango na kitete bokanga Tchombe bo tina résidence surveillé alors que mutu premier ministre immunité diplomatique Nasser Abi je m'en fous bokino kanga bazu Tchombe na délégation na bango na résidence surveillé donc na sommet wana pe ya pays non aligné Congo est participé qui était parce que Tchombe aza na résidence surveillé ti le 9 Et donc, le président n'a pas de reprocher à Moïse Tshombe. Non, justement, c'est parce que Kolobake, non, il y a un assassin. Il y a Lumumba. Lumumba, c'est l'héros, hein, héros, il y a l'Afrique, Nasser, on a tout. Il y a Lumumbiste. C'est parce que tout le monde a dit que tant que Lumumba, c'est là qui a annoncé dans l'Égypte, mon boulot, ma casse. Voilà, l'Égyptien, ma bouka kakoutou, ambassade à Belgique. Voilà, on s'est rappelé à l'époque. Donc, Bango, Lobby, jamais, va connaître ma camarade. Donc, Batie Tshombe, na résidence surveillée, qui le 9 octobre, donc du 6 au 9, premier ministre Mboka Mobimba, a na résidence surveillée, et puis bakoya ko libéré. D'ailleurs, na l'année interview à Tshombe, tant que ba libéré na radio, ozo kapenda ke Tshombe a na kanda ko sala, ya ko sala te, a lobeli na serbi loka mal propre à Dieu a fionne a zongi. Siko tango a zongi awa, a lobi siko yo, loko la, bande konabiso balingi masolote ba rebel na salinyo sopoto solo la balingite oke siko balingi bitumba ba komona bitumba siko Tshombe abengi siko ba mercenaire na ye o nyonso bazalaka na katanga wana ba mercenaire ba débarquer na Kinshasa ba Jean Scram ba Bob Denard na ba misusu ba zuba komi na Kinshasa awa siko yo azana besoin ba troupe ba soldat ya nisse bazo banga ba mai mai to mona ki ngona 63 tangu sécession katangaise silaki ba gendarme katangé bazalaki à peu près 13 000, 3 000 oyo batikalaki ANC récupéraki, à peu près 10 000 bakendaki na Angola. Siko ba komi na Angola kuna Angola tangwana ezakaka colonie ba portugais, ba portugais bazo ba gendarme katangé ba koma ko utiliser bango kuna ko aider ba colonne na makambo ya sécurité et tout. Siko kuna na Angola ba changea kombo ba benga ba gendarme katangé te kuna ba koma ko benga ba diabos. Si ko Tshombe tango ana besoin na bango bino nana besoin ba soda na ngaba zonga parce que musale bandia ndisko ba diabos pe ba ko kitana kina wa ba musuba ina katanga ba gendarme katange bazongi ndisko yo bitumba siko eko banda contre ba rebelle et puis ba Mobutu aiko zoape soutien ya ba américain ba iko tinda ba avion ba T28 na ba pilote tango na ba pilote a congolais bazate ba iko zo ba pilote cubain mais ba cubain ba benga ba anticastriste o bazala contre Castro ba américain ba forma bango bango ne banda ko piloter ba avion na donc ba T28 et comme iko bombarder ba zone rebelle kuna danger et cela qui tellement intense que na le 28 octobre 1964 président de la république Oya est kuna bwenye atindi telegram na yemoko ya suka telegram officiel atinde liango nani atinde ba collègue na ye ba président ba république msusu atinde li Kwame Nkrumah président ya Ghana ayeko tinde la Ben Bella président Algérie Nasser président Égypte Sékou Touré ya Guinée et puis Modibo Keïta président ya Mali. En résumé telegram elobini telegram elobino et boutique nganga moko na bitumbo na ko bundela Afrique boutique nganga moko na se ba bombardement ba américain ba belge donc na na besoin na kombo ya Lumumba na sengi bino bo intervenir bo sunganga rapidement na na besoin makoki pour na bundisa ba impérialiste eux ce qui bo sale le komote ngai awa na ko adopter politique à terre brûlée comme ça ba américain na ba belge ba ko kuta kaka désert et c'est comme awa ba président na ba réagir te Benye aiko zwa idemoko bake kozwa ba mindele nyonso bazaki na province orientale na babuta isiro etu bunya otu batikala kuna ba na ba exploitation bazanga ba bilanga na bango bazui ba nyonso ba yena bango na Kisangani azui bango komba otage bazaki a peu près 2000 européens ba otage alobis o ba kumeka kwa takeng litsusu na kuboma ba otage e bangi sisiko ba mindele les américains les belges vont décider maintenant de lancer deux grandes opérations, opération Mibale ya Minene, opération Moko, opération terrestre, Babengiango Omgang, Omgang ba confiant on a colonel Van de Wel ou comment qui conseiller militaire belgeois, conseiller militaire ya Tshombe, Van de Wel a co-créé 5e brigade mécanisée et puis 5e brigade mécanisée on a ils allaient organiser na 5 colonnes. Oyo a ko panza bango na territoire est pour ba attaquer est ba récupérer ba reconquérir espace on a nyonso. Et 5e brigade mécanisée, la colonne anglaise est là qui n'est pas un combo parce qu'après l'histoire est quoi qu'on change. Et quoi qu'on change, il y a des choses qui sont moins lupemba ya libération wana. Première colonne, ezalaki bandako bengango Lima 1, Lima 1, ezalaki commandé na colonel belge moko komona ezaki Liégeois, colonel Liégeois. Deuxième colonne, Lima 2, ezalaki commandé na colonel Lamouline. Troisième colonne, ezalaki commandé na Dacoster. Quatrième colonne, colonel Papa bandako ezalaki commandé na capitaine Protin. Et puis cinquième colonne, ezalaki constitué na dixième commando. Il y a Major Jean Scrabe. Donc voilà les cinq colonnes. Il y a brigade, 5e brigade mécanisée. Où ils ont lancé offensive Sikoyo pour qu'ils récupèrent le territoire est. En particulier, donc Jean Scrabe à partir de Katanga, nord du Katanga, Kuna, à Zomata. Deuxième opération, wana opération terrestre, Omgang. Deuxième opération, opération aérienne, Babengiango, opération Dragon Rouge. Dragon Rouge, on a Israël qui opération en Nini, il y a quelqu'un qui a parachuté les militaires belges à Kisangani pour qu'on ait libéré les otages. Donc, parachutage, il y a 383 parachutistes à Kisangani. Mais avant l'opération Dragon Rouge et Salaman à Kisangani, opération terrestre, on a dit que la colonne est au matin, il a dit qu'on réussit, Mobana Kalemi va récupérer le 30 août. Beni 2 octobre puis Walikale ba récupérer ango ba libérer ango 8 octobre Lodja le 6 octobre Wembonyama le 7 octobre et puis le mardi 24 novembre 1964 et ça important bande ko kanga date wana mardi 24 novembre tokoya ko mona tinani 24 novembre 1964 nde ba mindele ba ko lancer siko opération Dragon Rouge. Na 6h du matin, ba parachuté, ba belge, ba koi na Kisangani, ba avion ba américain, ba américain ba yaki na ba avion ba Libumundunda, ba nobe ngon C-130. Ba américain ba pesi 14 C-130 pour na koumé mabatou an anyonso. Donc, na 6h du matin, ba belge ba koi na Kisangani, on a ba surprendre ba rebelle, bitumbe za yaki ndambu, ba rebelle ba te wakbenye, ba nakatia bitumba, na ba bomi à peu près 100 mindele sur les 2000, 100 ba koufaki, et puis, wana msobatika laki ba mindele ba libere bango, et puis wana sikoyo, ba chef rebelle, ba zui, ba kimi, wana esalami le 24 novembre, le 24 novembre, le 26 novembre, deux jours après, ba sali même opération na Iziro, ba nao benga ngon police, ba sali ngon na Iziro, et puis ba libere province orientale Moimba, ba chef rebelle nyonso, ba kimi, ba bwenye, ba Olenga, ba Soumialo, ba Zui, ba Longwe na pays, en particulier Olenga ke na Uganda, ba Bwenye na kanisi ba Baleka ki kote ya Soudan, donc ba Palangani, mais après to kwa komona na groupe wana, moko atikala ki kameme na mwa territoire, atikala ki na kati ya pays, komona ye Laurent Kabila, ye to kwa komona histoire na ye après. Donc voilà comment histoire ya rébellion et ko sila. Rébellion Est, ici, le 30 novembre 1964, les militaires belges ont basé Bazongé Panabango. Donc, rébellion Est, Sénel Est, il y a Bagbouenye, République libre du Congo, il y a Bagbouenye, ici, Mukoloan. Voilà, Bandeko Batali, je connais le Congo, je connais le Congo, je connais le Congo, mon honorable Thomas Luaka, Ndenge, à Betty Penzali Solo. Ya makambo ndenge le kaki kati na Congo démocratique mboka na biso mikolo wana na kanisi ya kokoma bozele kokoma ya kulanda pe bozele kulanda biso penza na bokebi bongo likanisi ya ko pacifier mboka e utaki pa ya nani e pa ya Joseph Kasavubu to e pa ya premier ministre Moïse Tshombe non ba opération nyonso toza komona ezali sous coordination ya premier ministre Tshombe mboka oyo ezala ki pacifier pona ko loba bo solo pacifier réunifié na makasi ya Tshombe. Tshombe muto aye na ba mindele wana na ba relation na ye nde aye kumene ba opération ndenge nini est wana nyonso e ko zonga. Mais peut-être pona aussi sa histoire à rébellion to si ça peut les cambia ya Molele. Ya Molele donc est sili to tikali na Kwilu. Mais Kwilu Molele petit à petit makina ye ba ko attaquer e ko koma e ko diminuer ko diminuer a ko résister. Pierre Molele a ko résister ti na 1968. Mais pour ba problème ya ko bi manakati ya mouvement na ye ye moko mo le la zaki mumbun ba combattant na mingi excusez nga ba zaki ba pende discussion moko ko yakota entre commandant moko ya mupende na Pierre Molele donc ba pende ba kola ko ba bo biso toke to continuer bitumba mais donc ba dissension ko ti na kati mouvement e ko yakokita ti mukolomoko nani aiko décidé Pierre Moulele aiko décidé akende na Brazzaville pona ko senga lisungi obaninga na iba prometa ki eto mona kiango mukolobundu na mukwidi ba bisa ke to ke lokilo matériel to tindela yo yesko lokola komi na difficulté azui akei alobina ke na Brazzaville le 13 septembre 1968 na kati ya boîte na etango azok kita na rivière Kwilu po akene na Brazza na radio alandi na radio na buto bana ko tamla na butuka ka alandi na radio ke coup d'état et salami na Brazza Alphonse Massamba Déba balongole na bokonzi muto azui pouvoir komo na ye Marien Ngwabi sikoyo na pirogue wana tang Mulele ayoki information wana alobi elokoyo mwasi na mta rapporta ki ya Leoni alobi mwana wana na yebite donc en parlant de Ngwabi alobi mwana wana na yebite peut-être ye mutu akosuki sangai batwa comprendre te et puis ake akomi na Brazza Marien Ngwabi pa yambi Marien Ngwabi ayambi a isolé Mulele akuta na bakamara na ite ti le 27 tango yeko kuta na mabukulubundu Marien Ngwabi déjà assis à convaincre yeke akatisa aya na Kinshasa pona cadre la réconciliation mobuta lobi réconciliation to tika makama bitumba Mulele andimi siko tango akuta na bamukulubundu mukulubundu ba bisa itala chef au salaire soko ke na Kinshasa mobuta kobomayo abi non akobomangate mais soki justement soka bomingai mobutu soka bominga et ko pesa bino ba raison suko yo pe bo continuer soko kobundisa ye donc pona ngai liwa ezana ngwe loko moko pamba yango ana na date ya le 29 septembre 1968 Justin Marie Bomboko ministre ya affaires étrangères ya Congo akatisi na bato ake na Brazza kozwa Pierre Moulele Baena Pierre Moulele, zalaka dimanche, baena Pierre Moulele, et puis Papa Bomboko a organisé fête, et pas naye, pour à l'honneur ya Pierre Moulele, alibi voilà, ndeko na biso aye, bitumbe sili, donc fête ya monene, donc pendant 2-3 jours awa Moulele, azad penda très bien. Makambo eko changé le 2 octobre, le 2 octobre, tango Mobutu a outi na Maroc, Aye awa alobi non makambonga na kondi mangote Pierre Moulele asala ba crime belé il faut ba juger na butuana bazu Pierre Moulele le 2 octobre 1968 bazu Pierre Moulele bakena na kankokolo ake okutana na camarade na moko boye azaka pene na rébellion comme on est bengila donc na butuana le 2 octobre 1968 Pierre Moulele na bengila ba bomi bango na ndenge ya mabe na kokata kata bango na ba machette même si communiqué à Kikobima le 8 octobre comme quoi Pierre Moulele na Bengila bazala qui condamné na tribunal militaire pour na assassinat viol et tout batignon sur babiké Pierre Moulele a koufagi déjà le 2 octobre voilà comment histoire ya compatriote munene nationaliste munene Pierre Moulele et sukaki donc wana ba rébellion siko et ko sila malam très bien tango siko yo Marie Justin Bomboko ministre des affaires étrangères atika Kinshasa pour na kokende na Brazzaville ayeba kike kokende kozwa Pierre Moulele sera ki pona ko bomaye ou bien sera ki ka pona ko zongisa ye pomboke e mobulese na mboka ki mi akota ndeko oyo ba information nga na zwaki pe ko solana na solana papa Bomboko je crois qu'il était sincère Bomboko était convaincu ki ake kozwa Pierre Moulele vraiment na cadre la réconciliation hein kende ko ye to tika makambo bitumba to vana na yo lokola chombe azonga ki awa basala ki lokote je crois que Bomboko était vraiment sincère tango kene ko zo a ces heures à peu près même stratégie basala ki pona Lumumba ko longwa na mbanza ngungu tu ndaye na Lubumbashi mais je crois que Bomboko na ebi intention na tanga ka mitema batute mais ba information ngana za nango je crois que Bomboko tango ke ko zo Pierre Moulele azala ki sincère il croyait vraiment que ake ko zo na cadre ya réconciliation sikoyo makambo ko ya ko changer to moni ba bitumbe sili Kimia koti na kati ya mboka siko balobi nini il faut organiser ba élection parce que mandat ba député est aussi là na 65 za mandat 50 60 65 mandat est aussi là il faut organiser ba élection ba parti politique eko bota malisusu ba eko s'organiser mais tout royo ezali sou ba parti mike on était en réalité trois grands partis politiques eko se mettre en place parti ya liboso ba bengi yango rassemblement des démocrates congolais RADECO et botami na mois août 1963 eza parti politique mokozangi parti à pouvoir eza batu adula na batu na ye ndeba salira deko ya mibale parti ya mibale babengi yango comité démocratique africain CDA. CDA wana eza nani? Eza ba parti politique esangani na Abaco. Mais Abaco pe ezui mo problème parce que tendance moko toko benga un progressiste. Balobi non, toko tika na parti kaka te ya ba Congo kaka. Biso toko miko jouer na division nationale. Il faut tout ça la partie moko nationale. Donc tolongwa na Abaco to créer ce que le commissaire ya monene yango ba bengi CDA, mais na kati ya Abaco ba musu ba zaki d'accord te. Balobi non, biso makambu ya que cause to se fonde na partie monsieur Zate. Donc Abaco ye ko kabona biteni mibale, Abaco oyo batika linete original. Ya ba Congo kaka ba bengi yango Abaco etika eza gouverné par le président Mwanda. Oyo mususu oyo ba progressiste et comme il y a président Zola et puis troisième organisation politique Tomoni Radeko CDA et troisième organisation politique babengi yango Front commun national FCN et salami na juin 1964 et ezaba parti se retrouver autour ya MNC Lumumba après sikoyo tangu kisangani eza libéré ndenge na bisaki obitumba isili makambu eko changer ba relation ya Lumumba Lumumba ya Kasavubu na Chombe ba relation bani kobeba pona nini parce que sikoyo Chombe Kasavubu aza ko supporter sikoyo mabe en tout cas ba collaborateur ya Kasavubu ba ko sepelate na popularité o Chombe azui c'est mutu a libéré mboka a pacifier mboka donc Chombe a komi na succès moko na Congo c'est l'homme le plus populaire ya mboka président zayo kana susuté. D'ailleurs, quand tu témoignes, je montre Zali, il y a Ilosono. Ilosono, il y a nani, Azala qui par sec, pour avoir utilisé la terminologie, elle est là, secrétaire Yamobutu. Ilosono, a béti le solo, mon calobino, jour moko boye, tokei, nakitona. Tokei, nakitona, et ben, on passe à autre, passe à tes années, cérémonie, il y a prise d'armes. Première promotion, au bas formé, bas officier, il y a infanterie, nakitona, et ben, d'accord, mais en 1965. Alors, il y a une cérémonie qui est dans Mayumbe, donc fief supposé naturel, il y a Kasavubu. Il y a un débat qui est belé dans Zela. Le président de la République a dit qu'il y a Moutou Kaliboso. Moutou Kami Bale, premier ministre, Moïse Tshombe. Moutou Kami, c'est le commandant chef armé, donc Jena Mobutu. Et il y a un Moutou Kami Mobutu, comme vous avez par sec. Donc, il y a un vivant qui est dans Zela. Il y a un débat qui est dans le président de la République, Bale Kisian. Population et téléminde ba téléminde mutuka Chombe ba ko betela e maboko Moïse donc le sauveur Moïse le pacificateur donc succès ya ko sakanate qu'est-ce qui va se passer maintenant ya modem botan ce qu'on a le croix mozuwa voilà mozuwa e botami sikoyo Chombe lobi bitumba boepe na ko kenda ngona parti politique na ngate oui parti na sala ki konakate Confédération des associations tribales du Katanga. Alors, non, il faut ce qu'on a créé, comme on a commencé une division nationale. A Tiki Makamaba région provinciale. A eko créé ce qu'on a Konako, Convention nationale congolaise. Donc, Konako, si Koyo, Batoupe, Baeko, Derebele, Konako, Eko, c'est la congrès Nango. En février 1965, na Luluabourg, na Kananga. Plus de 50 partis politiques na ba association au monika ba congolais ne bazalaka sur ba moni mutu moko za populaire ba ngonyonso ba yokota na plateforme pour ba profiter na popularité na to moni yango expérience na to vivre yango kala mingi te donc voilà ba parti mingi e kokota na konako pour ba profiter na popularité ya Moïse Tshombe élection e ko salama na mois de mai juin élection législative mois de mai juin 1965 succès ya makasi ya konako ya Tshombe na ba député sur 167 élus Tshombe konako azui 122 donc majorité absolue Tshombe azana ngokuna ba eko bengisa le 20 septembre 1965 président de la république a bengisi session extraordinaire pour nako valider ba mandat ko tia ba bureau en place ko valider ba mandat Président de l'Assemblée nationale, Abimi Mutia Konako, Kombo na Ekimpiobi, vice-président Mopipi Litingo. Et puis, le 13 octobre, on a tout le monde qui est septembre, c'est extraordinaire. Le 13 octobre 1965, il y a convoqué session ordinaire, il y a l'Assemblée nationale. Ouverture, c'est quoi la session ordinaire, et ça, le 13 octobre 1965, mais coup de tonnerre batignon sur bazala qui surpris bas surtout qui qu'est-ce qui se passe Joseph Kasavubu président de la République a eu décision ya kolongola Tshombe comme premier ministre alors que Tshombe a sa majorité la majorité n'a qu'à parlement bah toi donc ça le parlement c'est qu'à Tshombe a ko démissionné puis bah créer bah nommer kakambala moko formateur au gouvernement parce qu'il a la majorité Tshombe et Kasavubu a eu à longoli Tshombe parce que batuba bisi soko ke na ba élection na premier ministre non aza populaire bo aza pe premier ministre aza na chance à battre donc il faut longoli premier ministre Tshombe ba longoli premier ministre Kasavubu a été nommé sur conseil hein ya ba conseil na ba conseil na ba bisi non mo kondi il faut tout diviser ba katangé lokola longoli Tshombe boye il faut tout katangé msoto tiaye bake ko zwana ni bake ko zwa Evariste Kimba Evariste Kimba azali l'ancien ministre des Affaires étrangères ya sécession ya Katanga. Tant que Tshombe sera ka sécession na ye, atiaka Evariste Kimba za mulubakata batu ya Nord. Atiaka ministre Affaires étrangères mutuana nde Kasavubu a ekonomé sikoyo premier ministre. Na kati ya gouvernement na te ko mona banani bakoti Nendaka Nendaka azui ministère intérieur Kamitatu Cléophas Kamitatu ministre des Affaires étrangères. Et puis, le 14 novembre, wana tangba nommé Kimba, le 14 novembre, accueilli ce qu'on a parlé pour l'investiture. Hein? Oui, le gouvernement a investi. Le 14 novembre, wana ba député, ba Ololi Kimba, parce que majorité, la majorité, voilà. Ya Tshombe. Ba Ololi Kimba ba refusé l'investiture, donc, Kimba na ba ministre ne bazungi na ndako. Si qu'on a buté le 14 wana debriefing équipe stratégique hein, autour ya chef de l'État. To sala nini siko Kimba baboye. Mutumo ka lobino monsieur le président. Loko la Kimba baboye to koloka mutu susu. Oya za populaire pa ba député e ba na ba député mingi emoko pa za député. Aza kala kala to kotia ye ye koleka. O yo moni nani o nendaka. So to tie nendaka premier ministre makamba ko Simba. Nendaka, oui, Nendaka zana ba relation, aye ba ni bien. Baka mwe boye nakati ya réunion, c'était un petit groupe. Hein? Nakati ya réunion, moutou eko boye ba nomé Nendaka, nani camarade, camarade presque intime, ya Nendaka, kombo na ye Joseph Mobutu. Mobutu a dit non, non, non, monsieur le président, non, non, Nendaka ou kokate, ah, camarade nangaya, hein? C'est vraiment mon ami, mais Nendaka ou koka moussala anate. D'ailleurs, koutou Kimba, ce n'est pas Kimba nde ba boye na parlement. Baboyi kimbate mais baboyi configuration na ya gouvernement. Donc ce qu'a changé ka ba ministre na kanisi gouvernement kimbe koleka. Ezate bazana problème na kimbate ezande gouvernement. Comme Kasavubu abande ko yokela Mobutu mingi. Abina donc Mobutu azana raison. Le 15 a nommé le sous Kimba formateur de gouvernement. Donc pour la deuxième fois premier ministre. Comme ba secret za la kate na mboka na biso yumo ko bi pa congolais ba secret za la kate. Bato ba participer qui na réunion na ba ki obetela nenda ka lisolote abi oyebi président linga nommé au premier ministre hein? Abi mais qu'est-ce qui s'est passé abi non Mobutu a télé meliango Mobutu eh mais garçon ça sérieux mais comment yé tu le dis tout ça occasion bien bon ngeni si ko nenda ka olé attaquer Mobutu azo attaquer Mobutu te azo kende siko ko critiquer ndeko ya Mobutu moko boy Mobutu akotsa ki na gouvernement Kimba comme ministre des finances nani kombo na yena ni Jean Lito nenda komi ko raconter partout abi Lito aza incompétent Lito aza muyibi donc akuka musala wana tshe botie na finance bo salaire ça c'est le discours de Nendaka na boy lobi balo bake to malo waka lo bake ke Lito aza ki incompétent bien aza ki muyibi non c'est discours ya Nendaka kona ko dénigrer Lito na kanda wana ke na kanda wana Mobutu anengeza la yeye singaka zala yeye voilà Mobutu d'ailleurs va voir Kasavubu après bi mais qui est le président de la république za yo bezene ndaka yo kama kamune ndaka zoloba Kasavubu ya calmer ba mwalbino je vais régler ça siko to komi na période oyo omoni premier ministre gouvernement ba na parlement parlement bengani bango même premier ministre wana isusu Kasavubu a renommé ba député ba zozela to zozela ya siko yo omoni moi tension bandi komata wana na tension neza komata le 20 novembre 1900 le 15 novembre ba nommé Kimba deuxième fois formateur le 20 novembre communiqué moko eliki na radio communiqué lobinini et baza ko convoquer le haut commandement militaire pour une cérémonie commémorative, premier anniversaire, il y a libération à Kisangani. Il y a un lobby qui est le date, il y a le 24 novembre. Kisangani, il a libéré le 24 novembre 1964. Mobutu aliki si communiqué le 20 novembre na radio pona ko senga ba au commandant ba au commandement les commandants des grandes unités boya na Kinshasa il faut to fêter anniversaire ya libération ya Kisangani donc le 24 novembre 1965 ndé na 17h ndé ba bengisi ba to boya to sala mo fête le 24 novembre wana sikom na tongo o sikwe za témoignage ya Ilosono secrétaire à Mobutu. Il est sonné à l'lobby à 5h du matin, téléphone et l'élite, commandant en chef, donc Mobutu, Mokondinaye. Mobutu a bengi, il est sonné aux Awapi. Mokondinazan a un dakotu. Il dit, il y a un bon bureau. A Kekuna, à l'lobby, bon, Kendo Koutana, chef d'état-major général, chef d'état-major général, comme on les a appelé colonel Malila. Kendo Koutana Malila. A Kepa Malila. Abi Mokondinazan a un bon bureau. Abi dit, il y a un bon bureau. Abi dit, ça il a un mémo sur la situation politique, sociale, économique, militaire, il y a un bon cas depuis 1960. Tilelo donc ti na novembre 65 nana besoin c'est langa memo pour te couper sa rapport na au commandement militaire il osona bien comprendre te bakanga na mali la kanga na kacha biro na bandipe ko komana pa komia komia komiti assisi na ba 11h mali la ye abi ndengini abi mon colonel na sisi pesa wa abotule ba papier ngo abotule ba papier bakanga le suna biro abi amon a comprendre gate mali la ke il est sonno, bah il est libéré na 21h. Na 21h. Na 21h, bah il va fongolier sikoyo, bah mimié. Bah kené wapi et pas ya Mobutu commandant chef. A komi wana akuti bah commandant bah grande unité nyonso bazali wana ya ANC bah outil intérieur, bah nyonso bazawana. Bah vandisié Mobutu abandi ko dicter communiquer. Communiquer à coup d'état. A dicté, tonga silici, papé si ango colonel belge mokazalaki anazalaki auditeur général, ya ANC, colonel Van Alewin, colonel wana azui sikoyo, comme azaki juriste, yenda pe si ango siko forme, apé si ango forme, tonga silici ango, Mobutu azui, a se retirer, a s'isoler, moko avandi, a komiko étudier, communiquer ango, parce que c'est quand même une décision importante, au moni biloko nengwana soko échoué, peut-être liwa mtezo zelayo, a s'isoler, azui mantan pour nako réfléchir, et puis a tin babengele batumi balé avant même avant on a total ba milit ba police ba politicien ba comme un peu inquiet kimba a komi komona suspect na 20h30 parce que tant on a tant ba nommé premier ministre kimba komi kovana na kambinza na 20h30 alinga bima boye ba pekisi ya bima oh abini na bina na mutu akobima te atozo ki mibe ko mutu akobima te kimba zui a forcé a zui abimi akena birona ye abengi kamitatu ba komi na kamitatu wana babengi bazo benga siko président Kimbaza inquiet pour nani nabi mais comment au commandement ils ont se réunir président tindi ata représentant na mokote yende commandant suprême armée azata na représentant mokote kuna bangona kamita tuna 21h30 ba meki ko benga président ba ko benga kasavubu téléphone ezole katé zo salaté et puis kuna sikoyo esika Mobutu na batune bazalaki Mobutu atindi ba bengela e batumi bale major wa bali na sous-lieutenant Lono apesi bango mission mibale wabali yo kende wabali yake kukata telefoni ya kasavubu yango monaki kimba bazobenga zile kate wana wabali major wabali asiake kati telefoni lono mission na yeni ni balobi yo na 5h du matin oke na radio yondo kutanga communiquer o ya au commandement donc na le 25 novembre na 5h du matin tango radio fongoli kaka lono ake kutanga communiquer ya au commandement et puis na 7h du matin il y a le 25 wana batindi colonel Malila otomona ki chef d'état major général akena mostale na ngaliema mongaliema sika kasabu aneko vanda akei komemelaye décision na ya destitution na ye ke balongole azali sous président de la république président kasabu azui atangi message yango atangi ya commandement batindele babi a partir le lozali sous mokonza mbokate azui atangi réaction na ye ayebi sika Malila alobi je verrai ça après avec le général donc a négligé qu'il y a un coup à mon aïe et n'est-ce qu'il y a une aventure et leur mot bon. Azu a tiki. Le 25 ou an a pekaka. Mobutu a bengisi les chambres, congrès à parlement. Ba député na ba sénateur. Na yipsa que Congo est zambo kamakamba. Ba député na ba sénateur ba sepeli. Ba approuvé coup d'état wana ba lobi. Armée ba zan a raison de ba sali wana. Pendant qu'on évite ba désordre. Konako, parti ya Tchombe. Tchombe pe a approuvé. natala interview moko ya Tshombe le 25 wana tamba yeko annoncer ke coup d'état salami Tshombe a sepela bi non parce que Kasavubu exagéré ki Kasavubu mtaza ko tiebso na kata des ordres lokola balongole c'est une bonne chose en réalité ba ebisi biso ke au commandement Mobutu ayebisaki Tshombe ke tokosala coup d'état na faveur nayo donc tamba wana Tshombe azako sepela ayebite ke armée du pouvoir pendant 5 ans donc Tshombe a sepeli batinyo so ba sepeli et puis le 4 décembre 1965 Kasavubu wana sikoyo a décidé atika makambongo a komaki lettre déjà avant le 4 décembre komela ki Mobutu lettre parce que Mobutu andako sepela tenenge Kasavubu azo continuer ko benge ka général nde Kasavubu ayeko koma lettre moko wa benge monsieur le président ke asenge quelques faveurs entre autres azonga akenene ko vana na bakongo na mayumbe. Donc il y a tika andimayo kotika pouvoir na petenyos. Oui, Kasavubu vraiment atika ki résister qui était à ça que le commandoté andimi kokita le kokité le 4 décembre à Zui ba pécier cortège escorte hein et me mayeti na mayumbe mutaza ko ko chef ya cortège wana ya escorte wana escorte na ba cortège escorte wana ba bengie major Chachi o le lokan Chachi kuma na kombo na ye ba kena yenda zaki komanda ya kan hardina mbanza ngungu. Tangu bazo kenena major Chachi ba komina niveau mbanzangu ba uti Kinshasa ba komina niveau mbanzangu Chachi ayebisi monsieur le président makambo ba militaire ona ba salinga na sepeli na ngote Mobutu na ba ninga naye soko pesinga ka ordre ngana zozo ba unité na ngai ya ba au char de combat biloko nyoso bibunde nyoso na zana ngwa na zozo nga Kinshasa ko kanga bango nyoso et puis yozo nga mukonza mboka Kasavu ayebisi tina kwa ni donc tika biloko wana tokenena biso ba tumsusu ba kanisa kake Chachi koma zaki mutu bena ya Mobutu Mobutu ayebisa ki a piégé Kasavubu ata l'état d'esprit na ye soka ko résister et tout Kasavubu abiba otika nana besoin biloko na tetika nana kene mayumbe nde Kasavubu le 4 décembre aki na ye na mayumbe atiki pouvoir Mobutu siko armé pe ba sepeli pona nini parce que officier na bango azu ya comme président de la République Mobutu ayeko zwa officier moko boye otebisa ki to sola ki awake a défendre ki ville ya Bukavu colonel Mulamba ba ekonomie premier ministre. Et puis armée, commandant en chef et armée, bah il copie ça mon général Bobozo. Donc voilà le, exactement le 24. Mais biloko onyo sotoza ko le 25 pour communiquer le kaka le 25. Le 25 novembre 1965, Première République Esili, Mobutu a commis président de la République. Donc histoire de la Première République Esili wana nakanisi tokoye ko suka wana. Très bien honorable nakanisi ba ndeko batali balinga masolo yango tokome bongo na suka. Kasi na uyo to lobi mokolo ya lelo na mokuse penza leso nini tokoki ko simba na makambo nyoso we lekaki ko bana organisation ya mouvement ya ba rebellion ko zonga ya Moïse Tshombe pacification mboka pe coup d'état ya Mobutu non na na bokuse na bokuse lelo tokoki ko loba capacité à réconciliation ba congolais eza phénoménal donc mutu moko ko ko ndimateke Tshombe na sécessionniste akoye ko zonga pe a gérer moko na ye na intérêt ya batu nyonso et puis batu pe mandima ye donc ça c'est une grande capacité que biso ba congolais to zanango on se réconcilie assez facilement deuxième chose il faut to profiter ka mingi na biloko wana problème ya lito vani to sololi on a cette grande capacité de réconciliation et loko ya mibale na koye ko loba awa na koye ko rendre hommage na batu mibale mutu aliboso Tshombe mutu a pacifié mboka oyo c'est Moïse Tshombe mutu a organisé ba élection démocratique il n'y avait pas beaucoup de contestations seulement 7 cas il y a contestation ba tribunal régla ki yango des élections démocratiques na mboka opé a gagné yango c'est Moïse Tshombe donc Tshombe a sali makambo mingi pona mboka oyo vraiment lelo esala kama wa mingi kota la tana Kinshasa awa il y a pas une grande avenue où ils en a kombo Moïse Tshombe pona ngai na ko proposer peut-être na ba député ba Hollande biso na bité so ba député Kinshasa ou bien ya député nationaux avenue ba bengi avenue de l'OIA na mona katina OIA wana te ba koiko pesa ngo kombo Moïse Tshombe en souvenir ya mkuntu makambu papa wana sali pona mboka oyo mais image to tikala nango image ya Tshombe ya kala oya secessionniste non Tshombe abundi asali mingi pona mboka oyo pona kimye zonga na kati ya mboka oyo pour démocratie kota na kati ya mboka oyo et puis yo mange ami balé na kurande na Joseph Kasavubu to moni ndenga bimi na pouvoir a discuter te Joseph Kasavubu eloko marqué nga na vie na ye c'est deux caractéristiques ya liboso o babengi honnêteté probité soki ba politicien to ko lande exemple ya Kasavubu na honnête ko gérer mbongo ya l'état lokola avec beaucoup de respect Joseph Kasavubu abane ko kena ba mission ba pesi mbongo ya frais de mission akeyi kuna sali ba dépenses o etikali babengi ngo relika reste wana kasabu ba ne ko yana ngwa zongi sina kesi ya leta na trésor public alobi non na dépensa ki boye na futa ki chambre boye et tout téléphone écouta ki nga boye o etikala ki yango yo bozongi sambongo ya leta. Donc ça c'est un exemple à suivre et le ko ya mi balé et ezate ba ho ba lobaka bazaba nationaliste depuis bazaba nationaliste solo kasabu a beta tolo te ki nationaliste mais okomona façon a gérer ki mboka oyo kasabu otikala komona bande kone tout autour na ete ba mobuto baza bangala ba le chombe c'est des katangé a zone nommé ba adula. Donc c'est vraiment quelqu'un qui croyait à la nation congolaise dans le, dans la pratique. Il a nommé des gens de partout, il a travaillé avec les gens de partout. Tribalisme kasabu ba yeba ki yango te, c'était un vrai nationaliste ya discours te ya ya misala ya kosala. Donc vraiment na kosenga pe to rendre hommage à chaque fois na le kaka na rompo ki mpwanza soki na zana chapeau devant statue ya papa na na longola kango pona ko manifester respect au nazana ngo vis-à-vis ya congolais. Omani makambo na lobaki masolo ya boye koko suka na nzela te masolo penze ya kitoko boye ekozala malamu mingi tokoba yango pote biso moko bana ya Congo démocratique tokoma les étoiles ya mboka na biso peut-être ozaki biso na kati ya masolo masolo na biso ezali na makoki ya kokoba nzoka nde makoki ezali kozanga biso yango tosengi lisusu na bino babozela kulanda biso bome kanana kopesa biso mwa maboko kosunga biso pote emission oyo ekende penza liboso tozo akapenza libaku ya kokutana tangu bosenge pesa mere biso na honorable Thomas Luaka oyo azali disposé pona kopesa biso histoire ya Congo démocratique ndenge ele kaka pesa biso misolo na numero oyo bengi biso soki ordinateur ya kitoko soki kamera ya mafuta ya kosunga penza biso pote mosala oyo ezala malamu pambate bande ko bazali ko benga ezali masolo ya kitoko ekosunga bana bazali ko tanga bana ya lelo bayeba historia ya Congo na bande ko mosusu wabota makalabalobi makambo oyo bayebaki yango penza boyote dibaku ya kitoko yango yo kulinga yango kaka na malobate manifeste bolingo wana na mwa contribution na yo esunga penza biso pote to katana na nzirate kati to komate na suka na kanisi bolandi biso numero na biso yango wana benga biso lisungi na yo ekokomela biso na ndenge oyo olongo bani honorable na kanisi lolo to komi na suka to tende lisusu botondi pona kosunga biso pe kosunga bandeko batali na masolo penza ya kitoko oyo ezali kosepelisa bana mboka elongo na bandeko to tende yo botondi. Merci mingi ndeko pona ngai ezali plaisir pe ezali devoir na ngai comme politicien congolais ya kosunga baninga bayeba esika to uti pe politika mboka na biso eza kosala mandenge ya solo ngai pe na kotondo botondi bandeko baye atako bomono ko bango te kasi bango nde basungaka biso te masolo na biso ekomela bino na motindo boti kolanda na kanisi wana ndeko Mike Kamwaka elongo na Claude Kibuka bango babale bazalaka sima na kamera pona kokwa bilili po ete bolanda biso na motindo boti kolanda na kombo ya bango banso na kotombela bino penza bolandi bolamu ya Canal Congo Television pe Canal King Television botika na malamu tokutane mikolo mezali.